soir de pleine lune sur les côtes de la mer de Bretagne. Au moment où tout le monde s'endort sur la terre, il se passe une chose étrange au fond des océans. Il est l'heure pour toutes les sirènes d'aller voir ce que les hommes deviennent. Il est l'heure pour elles d'aller chanter, Dieu écoute et pour toi c'est terminé. Créature mystérieuse, issue des mains de Neptune, qui à la seule force de sa si pure beauté, fait tourner la tête à toute l'humanité. Il est temps pour toutes les sirènes d'aller voir ce que les hommes deviennent. Il est temps pour elles d'aller chanter, tu écoutes et pour toi, c'était.